Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Margot, nous allons organiser une grande partie de Prenez l'antenne, ça c'est le nom du jeu de France Culture avec plein de questions. Et bien, nous allons en parler justement dans le cours de l'histoire aujourd'hui à la recherche des origines du jeu de plateau. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Allez, jouons un peu. De quel jeu s'agit-il ? Ce jeu se sert de 2 dés. Chaque joueur doit faire une marque distincte pour marquer d'une façon claire la place où l'on menait les points obtenus. Les joueurs fixent les amendes à payer aux différents accidents et font une mise. Les joueurs déplacent leur pion qui porte le nom doigt. Évidemment, c'est le jeu de loi. Celui qui arrive au numéro 19 paie l'amende et y reste jusqu'à ce que les autres joueurs aient joué chacun 2 fois. Le jeu de loi est une chose. Mais quelles sont les lois, les règles du jeu de société? Et quelle est son histoire? Oui, qui a fixé les règles du jeu? Ulrich Schedler, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous dire si le jeu nous a été transmis par le loup? Bon, c'est une idée. Donc, mais bien évidemment, pas des jeux de plateau. Bien évidemment, les loups ne jouent pas aux jeux de plateau, mais les loups jouent, n'est-ce pas? Ils jouent beaucoup. Ils aiment jouer. Et c'est nos chiens qui ont hérité ce goût pour le jeu des loups. Et lorsqu'on me pose la question, l'homme, depuis quand est-ce qu'il joue, il faut dire on ne sait pas vraiment, parce qu'il y a pas mal de jeux qu'on joue qui ne laissent pas des traces, n'est-ce pas? Je ne sais pas si des enfants à l'âge de Pierre jouaient au cache-cache déjà, on ne sait pas parce que ça ne laisse pas des traces. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est que au moment... Alors, même si l'homme ne jouait pas, mais au moment qu'il a accueilli le loup dans son foyer, le jeu est aussi entré dans la vie de l'homme. Au plus tard. Oui, tous ceux qui ont des animaux domestiques, des chiens, des chats, savent que petit, l'animal joue et il vient vers nous, il joue. Alors, pourquoi pas cette Exactement. Idée que l'animal nous a transmis le jeu? Ulrich Schedler, vous êtes directeur du musée suisse du jeu, vous êtes professeur titulaire à l'université de Fribourg, vous êtes l'auteur de Jeux de l'humanité, 5000 ans d'histoire culturelle des jeux de société. Et avec nous également aujourd'hui, Marie-Lise Arnett, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes égyptologue, ancien membre de l'Institut scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale. Vous faites partie d'une équipe d'un projet de recherche qui s'appelle Locus Ludi. Bah, justement, Ulrich Schedler en fait également partie. Vous pourriez nous présenter ce projet de recherche? Alors oui, Locus Ludi, c'est un projet qui est un projet financé par l'European Research Council, qui est dirigé par Véronique Dazen, que vous avez eu sur vos ondes il y a 2 semaines, je crois. Nous avons parlé d'amour, effectivement. Tout à fait. À l'université de Fribourg. Donc, c'est un projet qui s'attache à l'étude des jeux antiques, donc principalement de l'antiquité grecque et romaine, mais selon un angle d'approche sociologique, anthropologique. Donc, comment les jeux, finalement, anciens, reflètent la construction sociale, justement, genrée, mais aussi religieuse, politique des sociétés anciennes, et puis les interactions entre les cultures à travers les jeux. C'est pour ça que moi, en tant qu'égyptologue, je participe donc à ce projet. Voilà, donc nous allons créer un panorama du jeu sur des millénaires. Il faut le rappeler, nous parlons d'Égypte antique, il est question de millénaires, mais de la Grèce antique aussi, de la Rome antique aussi, avec cette question, mais d'où vient le jeu? Une question que nous nous posons aujourd'hui dans le cours de l'histoire, mais une question qu'Hérodote se posait déjà. Sous le règne d'Attis, fils de Manès, toute la Lydie fut affligée d'une grande famine, que les Lydiens supportèrent quelque temps avec patience. Mais, voyant que le mal ne cessait point, ils y cherchèrent remède, et chacun l'imagina à sa manière. Ce fut à cette occasion qu'ils inventèrent les dés, les osselets, la balle, et toutes les autres sortes de jeux, excepté celui des jetons, dont ils ne s'attribuent pas la découverte. Or, voici l'usage qu'ils firent de cette invention pour tromper la faim qui dépressait. On jouait alternativement pendant un jour entier afin de se distraire du besoin de manger. Et le lendemain, on mangeait au lieu de jouer. Ils menèrent cette vie pendant 18 ans. Mais, enfin, le mal, au lieu de diminuer, prit de nouvelles forces. Le roi partagea tous les Lydiens en deux classes et les fit tirer au sort. L'une pour rester, l'autre pour quitter le pays. Ceux que le sort destinait à rester eurent pour chef le roi lui-même, et son fils Tyrrhénus se mit à la tête des Élysiens. Daniel Koenigsberg qui lisait un extrait d'Hérodote, des histoires d'Hérodote, où le jeu serait né en Lydie. Alors là, nous nous trouvons donc dans cette région d'Asie mineure, la Turquie actuelle, Lydie qui aurait donné ludique, Ulrich Schedler. Cette origine donnée par Hérodote, c'est bien la volonté de tout expliquer, de tout comprendre. Elle est étonnante hein, d'imaginer que le jeu a une invention précise. Comment les Grecs voyaient-ils le jeu? Comment Hérodote concevait le jeu? Comme nous le concevons, c'est-à-dire juste un loisir? Cette théorie d'Hérodote, n'est-ce pas, c'est une légende et une théorie parmi d'autres. Il y a une autre théorie que les Grecs colportaient, c'était que le grand héros Palamède aurait inventé le jeu aussi pour lutter un peu contre l'ennui pendant le siège de Troie. Platon, par exemple, dit que les jeux viennent de l'Égypte, effectivement, et ils auraient été inventés par le dieu Teut, qui était aussi l'inventeur de la mathématique, d'astronomie, de l'écriture, etc. Donc, ça crée un lien entre le jeu et d'autres sciences, essentiellement mathématiques, et d'abstraction. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on voit que les Grecs étaient tout à fait conscients qu'un jeu, de toute façon, un jeu de plateau, nécessite une pensée abstraite et mathématique. Oui, là, nous touchons à quelque chose qui est au cœur de notre réflexion sur l'invention du jeu, c'est cette notion d'abstraction. Il faut pouvoir imaginer un monde, et dans l'histoire de l'humanité, cette abstraction est absolument nécessaire. Mais comme vous le disiez bien, Ulrich Schedler, il faut, pour prouver les choses, trouver une trace archéologique. Or, le jeu ne laisse pas particulièrement de traces. On peut jouer dans du sable, dans de la terre, avec des petits cailloux. Il n'en reste rien. À partir de quel moment l'archéologue arrive à identifier le jeu? Alors, je pense que tout le monde est d'accord que les premières traces des jeux de pions ou des jeux de plateau viennent de l'Égypte, effectivement, du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Là, effectivement, on a trouvé un plateau en pierre, n'est-ce pas, avec des cases marquées dessus et des pions qui marchent avec ces cases. Donc là, tout le monde est unanime de dire voilà, ça c'est vraiment un plateau de jeu avec des pions. Il y a une discussion par rapport à d'autres plateaux avec des marques dessus qui datent déjà du 8e millénaire avant Jésus-Christ, mais là, il y a pas mal de doutes si à cette époque-là, c'était déjà possible de concevoir quelque chose comme un jeu de plateau. Mais 4e millénaire, deuxième moitié 4e millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire entre 3000 et 3500 avant Jésus-Christ, voilà, en Égypte, là, on est sur de terres ferme. Voilà, bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui avec nous, une égyptologue, hein, Marie-Lise Arnett. Quels sont ces jeux égyptiens, on va dire, ces jeux de la naissance du jeu de plateau? Oui, alors évidemment, on a un certain nombre de jeux qu'on appellerait aujourd'hui jeux de plateau en Égypte. Les premiers jeux de plateau sont au nombre de trois. Le jeu de Méhen, le Mène, et le Sénet, comme l'a rappelé Ulrich, qui effectivement existe depuis le 4e millénaire. Alors je vais vous les décrire rapidement. Hein. Le Méhen, Alors en égyptien ancien, Mehen, ça veut dire être enroulé, être lové. C'est un jeu dont le plateau se caractérise par sa forme de serpent enroulé. C'est un jeu qui est typique des périodes anciennes et que l'on ne va plus trouver après la fin de l'ancien empire, c'est-à-dire après la fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Alors, on s'interroge sur les raisons de cette disparition. Ça peut être assez simple, c'est peut-être parce qu'il passe de mode. Hein. Tout simplement, c'est un jeu dont on connaît assez mal le fonctionnement. On sait par l'iconographie notamment qu'il se joue à deux, notamment par des hommes. D'ailleurs, je ne connais pas de jeu de représentation de Mehen qui se joue par des femmes, avec des pions en forme de bille ou de lion et de lionne. Alors le deuxième jeu que j'ai en tête, donc c'est le Mehen. Alors il est encore plus mal connu, lui. C'est un jeu qui est très peu représenté, peu attesté par l'archéologie, qui se caractérise par un plateau rectangulaire, barré de 16 cases. Et quant aux Sénètes, alors qu'on retrouve effectivement dans une tombe, on pense que c'est un Sénète dans une tombe nagadienne de l'époque pré-dynastique, 4e millénaire avant Jésus-Christ, donc... ce Sénète est mieux connu, mais je vous en parlerai peut-être plus en détail tout à l'heure, parce qu'il est au cœur de mes recherches. Alors notez que, à travers l'histoire, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, Xavier Maudoui, on parle de millénaire, on a d'autres jeux qui vont apparaître, le 58 roues par exemple, à partir du Moyen-Empire, ou le 20 cases, dont Ulrich est spécialiste d'ailleurs, qu'on ne joue en Égypte que sous le Nouvel Empire, donc c'est-à-dire dans la deuxième moitié du deuxième millénaire, et qui lui est un jeu étranger, ce n'est pas un jeu égyptien, hein. Il rentre en Égypte par le Proche-Orient, et d'ailleurs, selon certains chercheurs, mais il y a débat, il pourrait provenir d'encore plus loin, il pourrait provenir de l'Indus. Donc vous voyez, ça c'est intéressant, parce qu'on voit que, ma foi, les jeux voyagent, et qu'ils sont des bons moyens d'interroger les relations entre les sociétés, les interactions entre les cultures. Et puis, évidemment, à l'époque gréco-romaine, on va avoir des jeux de cette ère culturelle-là qui vont rentrer en Égypte, comme les latroncules, par exemple. Alors, comme on l'a souligné plusieurs fois, il faut évidemment garder en tête le fait que beaucoup de jeux ne laissent pas de traces. Hein. Soit que, même les jeux de plateau, je veux dire, soit que le matériel est réalisé en matériaux périssables et que les conditions de conservation soient pas optimum, disons, soit qu'on y joue tout simplement de manière spontanée, c'est-à-dire que les joueurs peuvent tracer dans le sable, je crois qu'on l'a dit aussi tout à l'heure, avec le doigt, le plateau, et puis on va pouvoir jouer avec ce qu'on a un peu sous la main, quoi, des cailloux, des noyaux, des graines aussi, comme pour les mancalas d'Afrique, par exemple. Où trouve-t-on les jeux Petit Tour dans la Vallée des Rois? En Haute-Égypte, dans la région de Thèbes, on poursuit activement les fouilles entreprises il y a plus d'un an dans la fameuse Vallée des Rois, où 60 pharaons ont été ensevelis sous plus de 50 mètres de sable et de roc. Plusieurs tombeaux ont été récemment mis à jour et, par leur état de conservation, témoignent du soin apporté dans la réalisation de ces sépultures. La découverte la plus importante de ces derniers mois demeure cependant le sarcophage du pharaon Mentemet qui régna vers 700 avant Jésus-Christ. La Vallée des Rois, petit à petit, dévoile tous ses secrets. Au cœur des années 1950, les actualités françaises nous conduisent dans la Vallée des Rois. La Vallée des Rois qui fascine par ses tombeaux extrêmement prestigieux. Mais il n'y a pas que ça pour trouver des jeux. Alors, Marie-Lise Arnette, dans les tombeaux des pharaons, a-t-on trouvé des jeux? Alors, oui, effectivement, on peut peut-être parler des sources, en fait, qui nous permettent de connaître les jeux, parce que je vois que c'est le sens de votre... question. Vous m'avez compris. Voilà. On a trois types de sources qu'il faut croiser. Et en égyptologie, on a la chance de pouvoir croiser beaucoup de choses. Donc, à savoir des sources archéologiques, iconographiques et textuelles. Donc, en matière de sources archéologiques, effectivement, on a des plateaux de jeu depuis le pré-dynastique, et bon, le premier provient effectivement d'une tombe, et jusqu'à l'époque romaine, alors là, plus dans les tombes en l'occurrence, avec des plateaux de jeu qui vont plutôt être gravés par terre dans l'espace des temples tardifs ou dans les forteresses. Ce contexte archéologique, il peut être certes funéraire, donc avec des jeux qui peuvent être déposés dans les tombes de rois ou de particuliers d'ailleurs, comme matériel d'accompagnement, si vous voulez, mais qui des jeux qui peuvent aussi être gravés autour des tombes, gravés au sol, en fait, face aux chapelles, donc quelque chose qui est peut-être rituel et de l'ordre de la communication entre l'ici-bas et l'au-delà. Mais on a aussi des contextes domestiques. C'est vrai, quand on pense à Égypte, on pense tout de suite tombe, mais il n'y a pas que ça. Donc on va pouvoir trouver des jeux dans des contextes domestiques, donc ce sont des objets qui sont utilisés dans la vie quotidienne, et aussi dans les temples, donc je l'ai dit. On a des jeux un peu partout, finalement, mais bon, le problème, c'est que souvent, on se trouve face à des objets dont le contexte d'origine est inconnu. C'est le cas des objets de musée qui sont anciennement rentrés dans les collections. Évidemment, hein, on n'a pas seulement des plateaux, on a aussi des cohortes de pions dont les formes sont très variées, qui peuvent avoir... On parle de pions plastiques, donc qui ont des formes spéciales, forme de chien, ça, d'ailleurs, c'est bon, de petits dieux comme Bess, d'ennemis aux bras ligotés dans le dos, et vous pouvez en voir de très jolis, d'ailleurs, au musée suisse du jeu, si vous allez le visiter. On a également donc des sources iconographiques qui concernent les jeux. Alors, la première fois qu'on représente des jeux de plateau en Égypte, c'est dans une tombe. Là encore, hein, la tombe d'un certain Ési ou Ésiré à Saqqara. On est sous la troisième dynastie, vers 2700-2650 avant Jésus-Christ, et on représente trois jeux de plateaux parmi les représentations du matériel funéraire qu'on souhaite idéalement trouver dans la tombe. Alors, c'est tout à fait charmant, on voit les plateaux vus du dessus, bien sûr, avec leur boîte de pions hein, correspondante. Et puis, toujours à l'Ancien Empire, on va voir... dans les chapelles de tombes, là encore, des parties de jeux de plateau, notamment de sénètes. Et puis, effectivement, on va représenter des parties de sénètes, mais sous une forme un peu différente, jusqu'à la fin du Nouvel Empire, dans la seconde moitié du deuxième millénaire. Et puis là, à la fin du Nouvel Empire, disparition, on n'a plus de jeux de plateau, ni, sauf cas exceptionnel, ni représentés dans les tombes, ni déposés dans les tombes. Enfin, on a des sources écrites, donc, qui nous permettent de mieux connaître... les jeux. D'abord, il y a les légendes qui accompagnent les scènes de jeu dans les chapelles des tombes de l'Ancien Empire et qui d'ailleurs sont fort intéressantes parce qu'elles donnent des indices quant au déroulement du jeu à proprement parler. Donc en fait, on a les joueurs qui prononcent des paroles qui semblent en rapport avec les coups de la partie. Alors, bon, par exemple, pour l'exemple du Sénète, dans une tombe, on a « je t'en prends deux »,« j'en soulève trois », c'est-à-dire les pions, donc voilà, ce genre de choses. Un peu plus tard... des formules qui appartiennent aux grands textes funéraires, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, que sont les textes des sarcophages et le livre des morts, qui permettent de lever un peu le voile sur la portée funéraire, disons, de ces jeux. Mais hélas, les textes qui font allusion à la pratique ludique au quotidien sont, pour ainsi dire... inexistant, donc ça c'est assez dommage. Alors j'ai en tête une lettre, en fait une fausse lettre, un texte littéraire qu'on appelle la lettre satirique d'Hori. Alors Hori, c'est un scribe qui fustige l'incompétence d'un autre scribe, un de ses collègues, et au cœur d'un passage qui est hélas un peu corrompu, hein, c'est toujours comme ça, hein, quand on cherche quelque chose, c'est voilà, toujours le passage où il y a des trous. Hori donc s'adresse ironiquement au mauvais scribe et il lui dit en substance, alors... il y a débat sur la façon d'interpréter le passage, mais il lui dit en substance qu'il ferait mieux de jouer au Sénète que de trafiquer des hiéroglyphes. Alors, notez qu'on peut comprendre le passage à l'inverse. Hori comparerait la difficulté des hiéroglyphes à celle du Sénète. Donc, vous comprenez que, ça, selon comment on interprète le passage, ça donne une perception tout à fait opposée. Il est difficile, hein, il est difficile de saisir quelles sont les règles, nous l'entendons bien, Marie-Lise Arnett et justement Ulrich Schaedler. Votre projet est passionnant, Lucus Ludi, de reconstituer ces jeux. Alors, faut le dire, hein, les auditeurs, les auditrices de France Culture peuvent se rendre hein, sur le site, nous allons mettre le lien sur le site du cours de l'histoire, donc franceculture.fr, pour aller jouer. Vous avez reconstitué ces jeux antiques parce que trouver un plateau, c'est une chose, avec des pions, c'est une autre chose. Quelques mentions dans des textes, c'est formidable. Comment reconstitue-t-on des règles de jeu? Alors, c'est une tâche, une mission assez complexe. En fait, d'abord, il y a peut-être deux choses qu'il faut dire. La première chose, c'est une fois les règles de jeu sont perdues, c'est pas possible, c'est presque pas possible de les retrouver. Hein. Parce que des règles de jeu, normalement, comprenne pas mal de détails. Et ces détails, on peut jamais se décider sur ces détails. Et l'autre élément, c'est le fait que les règles de jeu changent aussi au fil du temps. Les hommes ont tendance de modifier les règles, de les adapter à leurs propres besoins. Donc, pour un jeu spécifique, ce qui reste, c'est normalement un cœur, n'est-ce pas, un noyau de certaines règles de base qui identifient le jeu, mais autour de là, il y a pas mal de possibilités d'introduire des variantes, ce qui se passe tout le temps, encore aujourd'hui. Voilà, allez-y, Ulrich Edler. Voilà. Alors, on veut se faire une idée de comment fonctionnait un jeu de l'Antiquité, alors il faut d'abord prendre... utiliser les différentes sources, effectivement. On a des sources normalement littéraires, là, dans la Grèce antique et la Rome antique, on a pas mal de textes. Malheureusement, on n'a pratiquement jamais une règle de jeu complète, mais on a des allusions dans la littérature, dans la poésie. Il y a une ou deux lignes, parfois quelques explications de plus, mais pas jamais des règles complètes. Donc, on nous donne des informations sur le plateau de jeu, sur le mécanisme de capture, etc. Et puis, on a aussi, et pendant longtemps, on a négligé, les chercheurs ont complètement négligé ce que l'archéologie peut contribuer, c'est-à-dire les trouvailles, les plateaux de jeu, les pions, aussi les représentations, n'est-ce pas, sur le mosaïque. On a des scènes de joueurs sur des mosaïques, sur des peintures murales, on a des reliefs, on a des sculptures de joueurs, donc on a pas mal de scènes de jeu ou de représentations de jeu aussi dans l'archéologie. Donc il faut déjà commencer à connecter ces deux sources, n'est-ce pas? Alors faire le lien entre les sources archéologiques et les sources écrites. Et puis, on a encore un troisième élément. Il faut, on peut toujours regarder, on peut dans le monde des jeux, si on a des éléments, comme par exemple pour le jeu romain des Latroncules, n'est-ce pas, on sait que la méthode de capture était d'encercler un pion adverse, de l'adversaire par deux pions, deux propres pions. Donc maintenant, on peut regarder un peu dans le monde du jeu. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui existent qui ont effectivement ce même mécanisme de capture et effectivement on les trouve dans le nord de l'Afrique, en Tunisie par exemple, on joue encore aujourd'hui au Kharka ou au Sidja en Égypte, donc un jeu de plateau avec ce même mécanisme. Et donc là on peut peut-être se faire une meilleure idée comment fonctionne un jeu qui a effectivement ce mécanisme de capture. Donc ça nous donne déjà des meilleures idées. Et finalement, il faut aussi avoir une certaine connaissance de ce qui est possible dans les jeux de plateau, les mécanismes. Il faut connaître un peu les mécanismes de jeu pour savoir quelles sont les choses qu'on peut s'imaginer et quelles sont les choses qui sont juste impossibles. Ulrich Edler, vous évoquiez ces sources écrites qui évoquent le jeu. Alors là, nous allons écouter un extrait d'un texte de Julius Pollux. Donc nous sommes sur un auteur grec du deuxième siècle de notre ère qui n'évoque pas le Latroncule, oui. Un jeu qui nous a beaucoup plu avec Milena Hellig, qui réalise l'émission Le cours de l'histoire, aujourd'hui à la technique Laurie Vachon. Non, ce n'est pas le Latroncule dont il est question, c'est le Plintion. Le Plintion est un jeu qui demande un grand nombre de pions. C'est le jeu de Plintion qui offre des cases formées par des lignes. Le Plintion s'appelle la ville, polis, et chacune des pièces, un chien. Les pions sont partagés en deux camps, selon leur couleur. Et l'habileté consiste à entourer et à enlever, au moyen de deux dames de la même couleur, une dame de la couleur ennemie. Daniel Königsberg qui nous lisait un extrait de Pollux, donc aucun rapport avec le castor, parce que c'est Julius Pollux, un auteur grec du IIe siècle, qui nous parle du Plinthion. Le Plinthion, Ulrich Schaedler. Ces jeux antiques, nous les imaginons bien avec une similarité possible avec nos jeux. Donc sur ces jeux de plateau, tout de suite, il y a comme une lecture militaire qui pourrait se faire. Il y a cette notion de troupe, de déplacement. Mais un élément m'a intrigué en préparant cette émission, le pion nous représente-t-il ou ne nous représente-t-il pas? Quand nous jouons au Monopoly, c'est nous qui nous déplaçons sur les cases, mais ce n'est pas toujours le cas dans les dames, ce n'est pas nous qui sommes le pion. Comment se conçoit les jeux antiques? Alors, laissez-moi juste encore revenir sur Pollux. On voit clairement, c'est un texte assez typique, hein. Alors, c'est-à-dire, il part de ce jeu, il nous donne le mécanisme de capture, mais il dit juste, voilà, c'est un jeu qui se joue avec beaucoup de pions, donc il ne dit rien sur le nombre de pions. Est-ce que ce sont 20, 30, 16, on ne sait pas. Et il ne donne pas le nombre de cases non plus de ce plateau. Est-ce qu'il s'agit d'un échiquier ou d'un billet de 8 fois 8 cases, ou est-ce qu'il a 10 fois 10, ou je ne sais pas. Il dit rien là-dessus, et puis il ne dit rien sur le mouvement des pièces. Comment les pièces marchent, par exemple? Comment elles bougent, n'est-ce pas, ces pièces? Ce jeu de Plinthion, que les Grecs ont aussi appelé polis, la ville, effectivement, c'est intéressant parce que le mécanisme de capture est le même que le mécanisme dans le jeu romain de la troncule. Donc, c'est pourquoi on pense c'est ou un prédécesseur de ce jeu, ou peut-être les jeux sont effectivement les mêmes. C'est ce que le latroncule, c'est pratiquement le nom latin, le nom romain de ce même jeu que les Grecs appelaient polis. Le symbolisme des pions, effectivement, normalement, tous ces jeux dans l'Antiquité sont plutôt abstraits. Alors, on a rarement pour les Romains, par exemple, dans le monde romain, il n'existe pas des pions figuratif, par exemple. On n'a pas des pièces d'échecs comme on les connaît. On n'a que des pions comme au jeu de dames ou au tric-trac. Donc, normalement, je pense les pions ne représentent surtout pas l'homme. Et c'est confirmé un peu par Pollux qui les appelle chiens, n'est-ce pas? Alors, c'est aussi une dénomination qu'on trouve aussi en Babylone, par exemple, où on appelait aussi les pions chiens. Donc, c'est pas du tout les hommes, pas du tout nous les pions ne sont pas des avatars de nous sur le plateau de jeu. Et là, c'est pas comme ça. C'est une analyse, c'est vrai, pour le monde gréco-romain. Marie-Lise Arnett, vous êtes l'autrice de Regressum ad Uterum, la mort comme une nouvelle naissance dans les grands textes funéraires de l'Égypte pharaonique, donc 5e, 20e dynastie. Dites-nous, vous êtes spécialiste d'un jeu antique qui vient de l'Égypte, qui s'appelle le Senet. Déjà, vous pouvez nous dire un peu quelles en sont les règles, si vous les connaissez. Alors, les règles, non, on les connaît pas. On connaît, les Égyptiens n'écrivent pas plus les règles que les Grecs. Ou les Romains, mais on connaît effectivement, enfin, on a des grands principes, disons. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Senet, d'abord? C'est un jeu qui se caractérise par son plateau à 30 cases, organisé en 3 rangées de 10 cases, cases que les Égyptiens appellent des maisons, d'ailleurs, les perrons. Et c'est cet aspect morphologique, si vous voulez, qu'on le reconnaît. Donc, c'est un jeu qui se joue à deux, soit au sol, soit sur une table, avec 5 à 7 pions en fonction de l'époque, pions qu'on fait bouger en fonction de lancer de ce qu'on appelle les instruments du hasard, mais est-ce que le terme hasard est-il approprié à l'Antiquité? Ça, c'est autre chose. Donc on lance des bâtons de jet ou une paire d'osselets ou les deux. Alors, on pense que le déplacement des pions forme un Z sur le plateau, en boustrophédone, dit-on. Mais effectivement, on n'en sait pas beaucoup plus sur les règles à proprement parler. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un, sur les grands principes, c'est un jeu qu'on pourrait qualifier de parcours ou de course-poursuite avec des cases bénéfiques ou maléfiques qui sont inscrites. Alors, pour faire un parallèle avec les jeux modernes, on fait souvent le parallèle avec le jeu de loi par rapport à ça. Mais c'est un jeu qui fait aussi appel à la compétition d'un joueur contre l'autre, avec justement la possibilité manifestement de capture, dont parlait Ulrich tout à l'heure, le fait de prendre des pions à l'adversaire, un peu comme pour nos dames. Alors d'ailleurs, hein, dans les études anciennes, le CNET, on l'appelle jeu de dames et son plateau damier. Alors en fait, ça n'a absolument rien à voir, hein, mais bon, on peut pas s'empêcher de faire des parallèles. C'est un jeu qui demande une certaine stratégie, et j'ai moi-même eu l'occasion d'y jouer dans une version moderne. Alors il y a plusieurs possibilités de reconstruction avec toutes les précautions, disons, qu'il faut prendre. Et c'est un jeu qui est très amusant, je dois dire, hein, dans lequel on se plonge immédiatement. Bah, d'ailleurs, pour avoir joué aux jeux qui sont proposés sur le site Lucus Ludi, hein, il y a vraiment quelque chose qui fait que nous retrouvons des mécanismes que nous connaissons avec nos jeux d'aujourd'hui dans un monde nouveau. Ulrich Schädler, vous avez dans cette étude bénéficié de découvertes archéologiques majeures. Nous évoquons l'Égypte antique, la Grèce antique, la Rome antique. Une découverte récente en Slovaquie éclaire encore sur les jeux utilisés par les Romains. Bon, on m'a invité effectivement le professeur. L'université de Ditra, le professeur Pieta m'a invité d'étudier effectivement cette trouvaille extraordinaire. C'est un plateau de jeu avec quelques pions en bois. Alors le plateau en bois avec des cases qu'on a trouvé dans une tombe d'un prince germain. En Slovaquie, effectivement. Donc, et ça, c'est un exemple de plusieurs jeux manifestement romains, parce que les pions étaient définitivement des pions romains, de jeux romains qu'on trouve dans des contextes, surtout de l'élite germain, en Allemagne, en Pologne, et dans les effectivement à l'est de l'Empire romain, à l'est du Rhin. C'est assez un phénomène assez intéressant qui montre de toute façon comment ces jeux étaient appréciés, alors parce qu'ils se trouvent pas seulement mais très souvent dans des tombes de l'élite. On sait pas très bien si c'était juste des cadeaux diplomatiques ou des objets de toute façon de prestige, des objets de prestige. Un élément assez intéressant parce que normalement, on n'a pas connaissance du fait que les Germains savaient ce que c'était le jeu de plateau. Oui, c'est quelque chose qu'ils ont importé pratiquement du monde romain. Avec une vraie circulation des jeux, nous l'entendons dans l'Antiquité, mais pas seulement dans l'Antiquité. Parfois, les anciens jouent également dans les archives de la radiodiffusion française. Achille et Patrocle jouent au osselet. Chaque osselet possède quatre faces différentes. Et en jouant avec quatre osselets, on a 35 combinaisons possibles. Dans 4 coups, les 4 faces sont semblables. Dans 12 coups, 3 faces. Et dans 18 coups, 2. Enfin, dans un coup, les 4 faces varient toutes. Chaque combinaison porte un nom. Zeus me préserve du coup du chien. L'un des 4 faces semblables est présage néfaste entre tous. Joue donc au lieu de psalmodier comme un rhapsode au coin des rues. Que veux-tu, je commence toujours une partie de la sorte depuis que je suis tout enfant. Je ne saurais malgré moi faillir à ce rite. C'est une vieille habitude. Le coup des cyclopes. L'un de ceux qui sortent d'ici les rencontrera un jour. Le Le coup des cyclopes dans une fiction radiophonique qui évoque le jeu d'Osley dans l'Antiquité. C'était en 1970. Ulrich Schaedler, il y a également toute une réflexion à poser sur le jeu et la divination, notamment par les fouilles archéologiques qui peuvent laisser une ambiguïté. Est-ce un pion? Est-ce une amulette? Comment se construit le jeu? Le jeu peut être un divertissement, mais il peut être aussi divinatoire. Oui. Effectivement, il y a des méthodes divinatoires dans le monde qui utilisent effectivement le même, plus ou moins le même matériel, et parfois des méthodes aussi relativement semblables à des jeux, C'est pourquoi si l'on trouve juste le matériel comme ça dans une fouille, c'est pas du tout clair si c'est du matériel pour le jeu ou pour la divination. Il y a aussi par contre des cas où c'est relativement clair. On a des sources qui nous parlent effectivement des os, par exemple des osselets utilisés à des fins divinatoires. On a par exemple en Turquie, dans le sud-ouest de la Turquie, on a trouvé à plusieurs endroits des stèles avec des inscriptions, et sur ces inscriptions se trouve la liste des combinaisons possibles à obtenir en lançant 5 osselets et une prédiction qui va avec. Alors donc les visiteurs de ces sanctuaires pouvaient lancer 5 osselets, et selon le résultat, ils ont obtenu une prédiction qui concernait le voyage, la santé, l'économie, etc. Donc ça existait définitivement, ça on sait, et nous avons effectivement recréé cette méthode de divination pour jouer en ligne. On peut le télécharger et le jouer sur une tablette. C'est étonnant d'ailleurs, et c'est vrai que le jeu et la divination avec le tarot, nous savons, nous encore aujourd'hui, que les deux éléments sont liés. Marie-Lise Arnett, en Égypte, hein, il y a également un trait à tirer entre la religion et le jeu. Oui, alors de bien des manières, on peut... Tout à l'heure, vous avez évoqué mon livre qui porte sur les croyances funéraires, donc on peut peut-être parler... Regressus ad uterum. Regressus, j'ai fait une faute de déclinaison qui a piqué les oreilles. Oui, c'était terrible. C'était terrible. Donc, regressus ad uterum. Ben, c'est dur à dire, hein, je vous l'accorde. Donc, je peux peut-être parler un petit peu du rapport entre, en tout cas, le jeu de Sénète et la mort, parce que... Effectivement, il y a certaines idées qui sont régulièrement répétées à ce propos sans trouver forcément de fondement dans les sources égyptiennes. Donc je saisis un peu l'occasion de cette émission pour y revenir rapidement. D'abord, et je pense que c'est le plus important, on lit souvent que le Sénet permettrait d'accéder à l'autre monde. C'est-à-dire que on lit souvent que jouer au Sénet serait une sorte d'épreuve que le mort devrait remporter, en remportant la partie, si vous voulez, et en étant vainqueur de la partie, il accéderait à l'au-delà. Et effectivement, dans les tombes du Nouvel Empire, notamment, et dans certaines vignettes du Livre des Morts, on peut voir le mort assis devant une table de jeu, poussant parfois ses pions, et ce qui est un peu troublant, c'est que souvent, il n'a pas d'adversaire visible devant lui. Alors on dit qu'il jouerait contre la mort. Et on a en tête le film de Bergman, Le Septième Sceau, où un chevalier du Moyen-Âge joue un sursis de vie contre la mort personnifiée. Alors, premier problème, qui apparaît de manière évidente, la mort n'est pas personnifiée en Égypte ancienne. On n'a pas d'incarnation de la mort comme la faucheuse, par exemple, donc elle ne peut rien faire, hein, ni jouer, ni rien d'autre. Ensuite, si on creuse un peu, et si on se retourne vers les sources écrites, là encore, on voit que ce n'est pas ce que disent les textes. Alors je vais prendre pour exemple, pour preuve, un extrait des textes des sarcophages d'abord, et un autre issu du Livre des Morts, si vous me permettez. Alors, dans un extrait de la formule 405 des textes des sarcophages, alors j'avais noté, je vous dis, on lit que le grand tribunal qui se trouve dans les champs des roseaux dise, fait qu'il puisse chanter, danser, recevoir des insignes, fait qu'il puisse jouer au Sénet avec ceux qui sont sur terre, car c'est sa voix qui est entendue, mais on ne peut le voir, fait qu'il puisse cheminer vers sa maison et compter ou inspecter ses enfants. Donc ce qu'on voit ici, c'est que jouer au Sénet permet d'établir en fait une forme de communication entre le monde des vivants et le monde des morts, alors même que le défunt est invisible aux yeux des siens. Donc il y a une idée de pont, pour reprendre Peter Pitchone, qui est un égyptologue qui a beaucoup travaillé sur le Sénet, c'est le plateau, c'est un pont entre l'ici-bas et l'au-delà. Deuxième chose, si on se tourne vers le chapitre 17 du Livre des Morts, on se rend compte que jouer au Sénet n'est pas un moyen pour accéder à l'au-delà, mais en fait un objectif pour le défunt. Alors, le titre de la formule 17 du Livre des Morts, c'est « Formule pour sortir au jour, se transformer dans chaque forme que l'on désire prendre, jouer au Sénet et s'asseoir dans la tente C, c'est la tente de momification, le bas vivant par Nepseni, ça c'est le nom du défunt dans la version que j'ai choisie, après qu'il a amarré, c'est-à-dire après sa mort en fait. Donc là, avec le titre de la formule, vous voyez que jouer au Sénet n'est pas un moyen d'accéder à l'au-delà, mais c'est un objectif au même titre que de sortir au jour, qui est l'objectif final, disons, du Livre des Morts. Alors je me demande si le nom même du jeu, Sénet, qu'on pourrait traduire par passage, n'a pas créé un petit peu la confusion. En fait, il y a un a priori moderne, à mon avis, je pense que c'est un a priori, qui veut que ce mot Sénet, ce nom, signifie le passage dans l'autre monde. Mais je me demande si on n'a pas en tête la signification passé, très passé. Vous savez, autrefois on disait il a passé pour dire il est mort. Et en fait, ce mot Sénet dérive d'un verbe séni, passer, dépasser, approcher. C'est un mot qui est certes utilisé dans le domaine funéraire, mais qui signifie pas mourir. En tout cas pas à ma connaissance, mais qui par contre est utilisé dans une perspective plus ludique pour désigner le déplacement des pions. Eh bien, dans ce déplacement et dans ce passage, Marie-Lise Arnett, nous allons passer à un autre jeu, le jeu France Culture, parce qu'il y a tant et tant à dire sur le jeu. Nous n'avons pas évoqué l'origine du dé, nous n'avons pas évoqué l'origine des échecs, nous n'avons même pas pu dire si le premier jeu est peut-être chinois, le jeu de Go, tant de réflexions. Faut aller lire votre livre Ulrich Schaedler, Jeux de l'humanité, 5000 ans d'histoire culturelle, des jeux de société. Mais je vous propose tout de suite de jouer au jeu de France Culture. Oui, prenez l'antenne, un jeu avec des questions. Catherine, qu'est-ce qu'un palmipède? C'est un homme qui vit dans les palmiers. Oui, et les bacchantes? Ce sont des jeunes filles qui ont leur bac. Très bien. France Culture. Brigitte, une question très difficile. Pourquoi coupe-t-on la tête des sardines avant de les mettre dans une boîte? Pour ne pas qu'elles boivent l'huile. Très bien. Le cours de l'histoire. Excellent. Passons à l'histoire de France. Jérôme, qui a repoussé les Arabes à Poitiers? Ils ont repoussé tout seuls. Oui. Xavier Maudu. Et où fut signé le traité de Versailles? En bas de la feuille. Très bien. Bravo. Bah bravo, oui, le traité de Versailles a été signé en bas de la feuille. Nous allons évoquer avec vous, Didier Ferrat, le jeu France Culture. Prenez l'antenne. Mais quel est ce jeu? Qu'est-ce que cette chose-là? Bonjour Xavier. Bah écoutez, c'est un jeu de plateau. Comme on l'a évoqué dans l'Antiquité, il y avait déjà des jeux de plateau. Et bah, nous sommes toujours dans cette même catégorie. Il s'agit d'un jeu qui est à la fois un jeu de connaissance, un jeu de parcours du combattant, celui d'une journée à France Culture, puisque il s'agit de parcourir en fait une journée de programme et de remplir une grille des programmes. Et il s'agit à la fois de répondre à des questions de diverses catégories, que ce soit l'histoire, la science, l'environnement, la littérature, les idées, le débat et le patrimoine. Mais il s'agit aussi de s'ouvrir sur le monde et par ces questions et les réponses, bien sûr, nous avons essayé en créant ce jeu aussi de dépasser le simple jeu de connaissances dont on entendait un petit peu l'écho lors de l'extrait, pour vraiment un maximum donner des clés en fait pour comprendre le monde d'aujourd'hui, puisque l'idée de ce jeu c'était de concentrer tout l'esprit de France Culture, donc à la fois le fait d'apprendre des choses, mais aussi d'apprendre des choses pour comprendre le monde d'aujourd'hui, et également bien sûr se divertir et échanger. C'était très important que ce ne soit pas qu'un jeu de questions-réponses, mais l'idée aussi était d'encourager, bien sûr, le débat entre les joueurs, l'interactivité. Ah ça, c'est drôlement intéressant. Didier Ferrat, vous êtes un des concepteurs, de ces créateurs de ce jeu France Culture, prenez l'antenne, et vous évoquez le débat. Oui, parce que nous connaissons les jeux de questions-réponses. Là, en l'occurrence, il y a des questions sans doute, mais elles porte à débat. Exactement. D'une part, parce que le choix des questions s'est porté sur des problématiques contemporaines, donc qui suscitent évidemment la réflexion. Donc, on parle beaucoup de féminisme, d'écologie, on parle aussi de la pandémie, on parle de la question des genres, même si on parle d'antiquité, parfois, on rejoint des questions très contemporaines. Et puis surtout, il y a des cases spécifiques où l'on tombe, puisqu'il s'agit d'un parcours entre les matins de France Culture et les nuits de France Culture. Donc on parcourt une journée, une grille de programme, on remplit sa grille de programme et parfois on tombe sur certaines cases. Il y a une case qui s'appelle La Dispute, qui n'est pas sans rappeler une émission, qui était sur France Culture il y a peu, qui là, pour le coup, va susciter vraiment le débat. Donc que font les joueurs? Ils piochent un thème. Et ce thème peut être à la fois très sérieux, faut-il supprimer le Sénat, mais aussi plus drôle, plus décalé, comme Trump est-il vraiment un imbécile, ou alors aussi sur les comportements en société, sur le poids des journalistes, est-ce qu'ils ont encore un poids face aux réseaux sociaux, par exemple. Donc ce sont des questions vraiment d'actualité et de débat, et là, la personne qui tombe sur cette case choisit de défendre une thèse, en répondant à cette question, et il désigne ensuite un interlocuteur qu'il choisit lui-même, donc qui devra exposer la thèse inverse, et ce sont les autres joueurs qui vont les départager. Donc ça, c'est typiquement effectivement un type de case, un type de questionnement qui nous paraissait fondamental dans un jeu France Culture, qui n'est pas juste un jeu de connaissances, mais aussi un jeu d'interactivité. Voilà, et puis dans le même ordre d'idées. Allez-y. Oui. Non, ce que j'allais dire, c'est nous avons. Oui, nous marchons dessus alors que ça ne se fait pas. C'est chacun son tour, Mazette. Je vous prie de m'excuser. Allez-y, Didier Ferrat. Non, dans le même ordre d'idées, vous avez une case qui s'appelle La Suite dans les idées, là aussi, qui reprend le nom d'une émission, où les joueurs eux-mêmes doivent inventer des questions qu'ils posent aux autres joueurs. Donc, vous voyez, on a voulu vraiment que ça soit à la fois un jeu évidemment sérieux, d'ouverture sur le monde, mais aussi un jeu drôle, un jeu intergénérationnel également, puisque il y a des questions qui portent, par exemple, sur des citations. Et les citations peuvent aussi bien être des citations de chansons contemporaines que des citations beaucoup plus sérieuses de littérature. Voilà, centaines de questions, histoire, littérature, patrimoine, oui. Débat, idées, sciences, planète, environnement. J'assume entièrement la publicité, tant le jeu est drôle et sympathique. Et surtout, Ulrich Schaedler, vous êtes spécialiste de l'histoire du jeu. Il est question de rhétorique, ça nous conduit dans l'Antiquité. La rhétorique est une forme de jeu dans l'Antiquité. Bon, tout à fait. Alors, la description de ce jeu France Culture m'a rappelé tout de suite le jeu décrit par Platon dans son dialogue fameux, le Symposium, où effectivement, ils se sont amusés de demander à chaque participant de cette fête de faire une éloge de l'amour. Un après l'autre, ont dû faire un petit discours sur l'éros, effectivement. Donc, alors c'est une idée qui date déjà d'il y a 2500 ans, et effectivement, ce dialogue est devenu très très très fameux, un des plus fameux dialogues de Platon. Mais c'est effectivement, voilà, la rhétorique comme jeu. Voilà, donc de Platon apprenait l'antenne, donc maintenant il y a le jeu France Culture. Merci beaucoup hein, Didier Ferrat de nous l'avoir présenté. Donc on sait ce que nous allons faire à Noël, nous allons jouer au jeu France Culture prenait l'antenne. Et ben, vous êtes de la partie Ulrich Schaedler, Marie-Lise Arnett et donc Didier Ferrat et tous les auditeurs, les auditrices de France Culture. Merci à vous tous de nous avoir parlé du jeu, mais la partie continue maintenant dans le cours de l'histoire sur France Culture parce qu'il est l'heure de retrouver Anaïs Kier avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, l'histoire à venir de la présidence de Donald Trump et ses archives en danger. Alors que le Collège des grands électeurs s'est réuni hier pour élire Joe Biden président des États-Unis, Donald Trump confirme son statut de mauvais perdant. Son administration fait l'objet d'une plainte de la part de plusieurs associations qui tentent d'alerter les autorités judiciaires et l'opinion publique sur la mise en péril des archives de son mandat. Dans un article du Washington Post paru le 5 décembre, Gillian Brockel relaie la crainte de destruction d'une partie des archives présidentielles avant le changement de locataire de la Maison-Blanche. Selon les plaignants, historiens, archivistes et associations citoyennes, pour s'éviter une exposition juridique et financière potentielle une fois qu'il quittera ses fonctions, l'administration de Donald Trump pourrait négliger les sauvegardes et la conservation des documents. La loi états-unienne sur les actes présidentiels exige que les présidents et le personnel de la Maison-Blanche conservent tous les dossiers sur les activités, délibérations, décisions et politiques qui reflètent l'exercice des fonctions constitutionnelles, statutaires, officielles ou cérémonielles du président. L'accès public à ces archives est restreint pendant une période d'au moins 5 ans après la fin du mandat concerné, un délai de rétention prolongé pour certains documents en fonction de leur caractère sensible. Des sources incontournables pour analyser les actions du POTUS, le président des États-Unis, une fois passé le temps de son exercice du pouvoir, et un regard inégalable selon James Grossman, directeur de l'American Historical Association. Mais une ressource fragile, protégée par une loi incomplète, régulièrement remise en cause, avec des précédents qui ont laissé un souvenir cuisant. Gillian Brockel rappelle que les archives George Washington ont en partie été détruites par les rats et que c'est seulement après l'affaire du Watergate et la chute de Nixon que le Congrès a voté cette loi sur les archives présidentielles qui octroie la propriété de ces documents au peuple, mettant fin à la propriété privée de l'ancien occupant du bureau ovale. Une action en justice avait déjà été intentée contre Donald Trump qui n'archivait pas les appels téléphoniques et les réunions tenues avec certains dirigeants étrangers. La plainte actuelle voudrait, je cite, « mettre fin au feu de joie des dossiers dans la roseraie » d'un ancien président sur le départ, adepte des réalités alternatives. Des réalités alternatives, effectivement. Merci Anaïs. On retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. Toute la semaine, le cours de l'histoire sur France Culture joue. Oui, jouer en société, mais d'où viennent les règles du jeu, loterie, les jeux du roi et du hasard? Joue, grandit et apprend quand la cour de récré devient la salle de classe. Et n'oublie pas mon petit soulier, une histoire du cadeau Noël et bien sûr la stratégie sur un plateau aux origines du jeu de société. L'émission d'aujourd'hui à écouter et à podcaster pour la balade et diffusion sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Demain, nous allons grandir, nous allons jouer, nous allons apprendre. Oui, quand la cour de récré devient la salle de classe.